Let's Kung Fuhr. C'était Usagi, voilà! C'était un lapin samouraï, voilà! Il s'est muté en lapin Ronin, voilà! Pour sauver la veuve et le renard, un coup de sable super rapide, un saut de PD comme Megaman. Pourtant c'était un lapin qui voulait défendre son maître. Les lapins s'abaissent bien, mais celui-là il tranche bien. Il sauvera son honneur et puis même la planète, yeah! C'était Usagi Yojimbo, yao! C'était un lapin samouraï, yao! Il s'est muté en lapin Ronin, yao! Pour sauver la veuve et le renard, yo! Vas-y, Usagi, vous faire leur face de paix.